After Job avec Francky l'après-midi. Je suis heureux de vous retrouver, il est 16h01, Michel qui s'en va tranquillement comme un diesel. Ouais, il y en a pour un quart d'heure à peu près. Vous le retrouvez donc dimanche pour son émission. Alors je la cherche sur le planning. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un beau planning ici. 13h, 15h30, Michel l'accordéon de vos régions. Voilà, donc ne ratez pas ce bel événement dès dimanche. On est heureux de vous retrouver. Notre invité aujourd'hui, c'est Alex, un chanteur. Il vient de sortir son premier EP le 29 janvier. Il sera dans les studios en exclusivité. Il est coaché par le groupe La Jarry. D'ailleurs, La Jarry qui seront nos invités la semaine prochaine, lundi prochain. Ça va être du très très lourd. Katchouk arrive et du son caliente. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah, comme on l'a dit, hein, un peu de soleil, ça fait du bien avec ce temps grisâtre. On vous fait la météo juste derrière. Voici l'artiste, Katchouk. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Viens essayer à prendre quelques pas. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne. Sans sommation t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama des chaos. T'as les kata kamen au chaos. Doucement doucement juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Et de Panama des chaos. T'as les kata kamen au chaos. Doucement doucement juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Alors, quand c'est la météo pour demain, bah, malheureusement, le soleil ne sera pas de retour. De la grisaille encore et toujours de la pluie, malheureusement, tout au long de la journée. Pas mal d'averses. Les températures au lever du jour, 11 degrés. On va pas dépasser les 13 degrés pour ce mardi de février. Le temps, bah oui, le temps avec 10 souvenirs, justement. Donne-moi le temps. Jennifer, la Starac, rappelez-vous. Patienter. Donne-moi le temps. Avec Jennifer, donne-moi le temps. After Job avec Francky l'après-midi. L'après-midi, pas jusqu'à 18h parce qu'il y a le mode couvre-feu, hein, jusqu'à 17h45. Nikki Yam, El Rios del Sol, El Mikama. Porque quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es tu nombre el que llama. Dime si él te hace el amor cada mañana. Dime tal vez si ese hombre te ama. Dime si cuando despiertas en su cama. Yeah.

night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus en club avec Kate Funky, Daft Punk. Ah, ça c'est du son, hein, franchement. Un petit peu ancien quand même, mais ça fait du bien de vous retrouver. En tout cas, je suis heureux d'être là jusqu'à 17h40 avec le meilleur de la musique. Ah, ça c'est une radio concurrente. Hypnotized, ça c'est mon gros coup de cœur du moment. J'adore cette fille. Je suis tombé même love d'elle. Hypnotized sur Radio Arc-en-Ciel. Funky, disco music avec Hypnotized, mon coup de cœur. Eh, je kiffe cette meuf, si vous la connaissez, bien dites-lui que je suis love d'elle. Franchement, je la kiffe. Je sais pas pourquoi, je la kiffe. After Job. After Job avec Funky l'après-midi. Et vos messages qui arrivent sur Messenger personnel, Funky, Elodie. Salut Funky, merci de nous retrouver à la radio, ça me fait du bien de t'entendre. Belle voix. Merci Elodie, voilà, du côté de Saint-Jean-de-Braye. Heureux d'être avec vous. Un bon son à l'ancienne, et ça, vous allez kiffer, c'est Asia, elle est à toi. Elle est à toi, message de

Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, parfait. Et puis Grégoire aussi, qu'on adore. Dis-moi le son, le nouveau Grégoire, on adore. Tout ça ne finira pas ensemble. Tu ne t'arrêteras pas pour descendre. J'ai tellement envie de l'entendre. M'aventurer sans toi, me dépêcher sans toi. Mes mains ballantes, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Sans toi, ça fait pas du bien. Sans toi, marcheuse errante, ici ou là. Allez, dis-moi que tout ça ne finira pas ensemble. Tu ne t'arrêteras pas pour descendre. J'ai tellement envie de l'entendre. Passer l'hiver sans toi, c'est un calvaire. Je kiffe ce mec Grégoire. Grégoire, j'ai tellement de souvenirs radio avec lui il y a 7-8 ans. Un super mec qui m'avait invité, je raconte à chaque fois la même chose, mais c'est pas grave, hein, qui m'avait invité en VIP à l'Olympia à l'époque. Et ça m'avait vraiment, vraiment touché. Daddy Yankee qui arrive, un peu de soleil. El Rayos del Sol. After Job avec Francky, l'après-midi. Ah, il vient tout juste d'arriver dans les studios, Alex. Son premier EP qui est sorti le 29, là. La vie, là, il est en train de signer des belles... Et il a fait des affiches, elles sont magnifiques. On en a mis une à la radio. Je peux vous dire, ça claque, ça pète sa mère, comme on dit. Justement, si vous voulez une petite affiche dédicacée, bah, il peut vous en faire une. Hein. 0238 43 48 00. Amir qui arrive, et puis on va écouter un premier extrait de son EP qui est sorti le 29 janvier. Ça y est, c'est parti. I feel a song. C'est dans moins de 5 minutes dans les studios de la radio. C'est Alex en direct, et je peux vous dire, ça vaut le détour. Amir, pour les anciens, et puis une petite dédicace au petit Amir qui va bientôt arriver. Eh ouais, c'est un petit clin d'œil, ça. Du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. You're looking for you, like the melody of my song. Alors, Franciel, il vient juste de s'installer dans les studios. Alex, qui est notre invité, on va parler de son EP qui est sorti le 29 janvier. Et je peux vous dire, j'écoute des extraits. On va écouter justement un extrait qui cartonne. I find a sound, c'est ça mon Alex. Bonjour Alex, ça va mon ami? Salut Francky, bonjour à tout le monde. Et... I find a sound. Voilà, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui sur l'Arc-en-Ciel. T'étais déjà venu. Je voulais juste te faire un petit coucou avant qu'on écoute un extrait de cet EP qui est magnifique. Alors, beaucoup de gens disent, ça ressemble à du Indochine celui-là, c'est vrai? Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça et qui m'identifient à ça, donc c'est plutôt flatteur parce que moi j'aime bien Indochine, donc voilà. Ça me va. Et bon, on va en parler juste après. Il n'y a pas de souci. J'avais un cœur. Je chante à tue-tête dans les studios. Je connais pas les paroles, mais j'ai envie de le fredonner. Quel titre! Ah la vache, on en parle tout de suite avec toi, Alex. Eh, tu m'as gâté là. En plus, moi je suis un peu fan d'Indochine, j'aime bien. On en parle tout de suite en direct. Bougez pas la famille, c'est tout de suite. Alex. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah, il est dans les studios, il est déjà venu nous voir à la radio. Ça me fait plaisir de le retrouver pour la deuxième fois, Alex. I film a sound. J'ai trouvé la chanson. J'ai trouvé. Ça veut dire quoi? La traduction réelle. Et ben du coup, alors pour parler un petit peu plus de ça, parce que c'est la chanson phare. Et j'ai trouvé une chanson. J'ai trouvé la chanson. Et ben non, en fait, l'histoire elle vient d'un tatouage que j'ai sur mon bras. Où ça dit I can't explain but I will find a song that can, donc je ne peux pas l'expliquer mais je vais trouver une chanson pour le faire, et ça correspond à ma personnalité et à qui je suis, à véhiculer mes émotions par les chansons. Alors tu me disais en antenne, on en a parlé ensemble, t'as été dans d'autres radios heureusement d'ailleurs hein, et je suis content pour toi, et on te dit putain c'est du Indochine ça. Ça oui, ressemble. Alors, c'est quoi, c'est voulu ou alors c'est ton style? Non. Bon, après, c'est vrai que dans l'enfance, j'étais quand même bercé par Indochine. Ouais, 82 avec l'aventurier. Hein, tout le monde, les anciens l'ont connu, hein, pas les jeunes peut-être, mais les anciens, moi le premier, j'avais 12 ans. Et je me souviens que l'aventurier, c'était le truc phare à l'époque. Hein. Ouais. Puis bon, quelle carrière. Hein, puis là, il continue avec la reprise de Troisième Sexe. Là. C'est ça. Puis la tournée, si c'est pas annulé, mais... Ouais. Là, il y a des concerts à gagner en privé là avec la radio RFM. C'est énorme. Hein. Bah, toi, il y aura peut-être un concert privé, ça se trouve, avec toi sur Arc-en-Ciel. Ce serait bien. Bah, ce serait le top aussi. Pas. Alors, belle aventure. L'EP est sorti le 29 janvier, c'est ça, ouais, Alex? C'est ça, vendredi dernier. Combien de titres sur cet EP? Il y a 6 titres dessus, 6 titres originaux dont j'ai tout écrit, hein, les paroles, la musique, ouais, etc. Ouais. Il parle de quoi, ces titres? Si on, bon, alors celui-là, on sait un peu l'histoire. Alors du coup, le EP s'appelle La Vie. Voilà, Ma Vie, j'ai oublié de le dire. La Vie, pardon, excusez-moi. Exactement. Ouais. Et il est tiré tout simplement d'expériences que j'ai pu, moi, avoir, mais que j'ai pu aussi entendre d'autres personnes, parce que j'aime beaucoup échanger, j'aime discuter, etc. Donc voilà, c'est une pioche d'un petit peu toutes les expériences et tous les vécus de tout le monde. Ouais. Et dans chaque chanson, en fait, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse se retrouver soit s'ancrer sur un point professionnel, un point amical, amoureux, familial, enfin voilà. Tout est mélangé. Voilà, dans les paroles, selon son vécu, on peut retrouver sa propre histoire, et ça, c'est plutôt pas mal. On peut se retrouver dans tes chansons, c'est ça, avec un vécu, une histoire d'amour, un travail perdu ou gagné, je sais pas. On peut se retrouver alors. Ouais. Exactement. Ouais. Tu écris beaucoup, tu fais beaucoup de chansons. La sélection, les 6, c'était dur ou pas? Parce que t'as dû en faire beaucoup, je pense. Non, bah alors j'en ai une vingtaine d'écrites là pour l'instant. Ouais, comment on fait pour sur les 20 justement à sélectionner 6 titres, pardon? Ça va pas être facile pour toi. Et ben si, justement, c'était super facile. Ah bon, parce que j'étais une période de ma vie où j'avais sûrement besoin de m'exprimer, mais vraiment au travers de mes chansons. Donc du coup, j'ai écrit la vingtaine de chansons quasiment à la suite, les unes après les autres. Ouais. Et elles ont toutes c'est la continuité de tout, donc il va sortir 3 EP. Trois EP à la suite qui sont prévus. Mm-hmm. Et en fait, c'est la suite. Le deuxième EP sera la suite du premier et puis le troisième et pareil. Mm-hmm. Ouais. Pourquoi avoir choisi 3 EP par un album complet dès le départ avec un 15 titres par exemple ou 16 avec des bonus tracks par exemple, un exemple? Ouais. Parce que en ce moment, enfin maintenant, c'est compliqué. C'est dans l'air du temps. On n'achète plus forcément des 12 albums. Titres. On va pas écouter une heure et quart de chansons. Ouais, pour les grands groupes peut-être, tu sais, genre Indochine peut-être. Ouais. Oui, mais encore si ce sont des tubes qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a envie de réécouter, mais sur un nouvel album, c'est compliqué de faire 12-13 chansons. Donc vaut mieux faire 6, 3x6, et puis après il y aura un album 18, par contre. Hein. T'as vu, je suis content. Il y aura un album par contre des 12-13 meilleures chansons à la fin des 3 EP. D'accord. Donc si on en revient, alors 3 EP, pourquoi? Parce que tu te dis, comme ça les gens apprennent à me connaître peut-être aussi, à écouter mes chansons, plutôt d'en écouter 15 d'un coup, se dire ouais je sais pas, on va voir. Mais là 6, c'est vrai que c'est plus facile à écouter, à juger, à se dire ouais il est pas mal le mec, j'attends avec impatience la deuxième partie. Voilà, c'est ça, on a peut-être aussi pas le temps de se lasser, et puis on se dit vivement la suite, ça dure 20-25 minutes, donc ça reste écoutable facilement avec le train de vie que tout le monde peut avoir à droite à gauche. Donc bon, en ce moment le train de vie ça va, il y en a qui sont tranquilles, hein. C'est pas faux, c'est malheureux à dire, mais malheureusement il y a beaucoup qui sont encore chez eux en télétravail ou qui ne travaillent plus, malheureusement. On a une grosse pensée d'ailleurs pour eux, et c'est vrai que c'est pas une super période. Est-ce que justement on parle de super période ou mauvaise période, est-ce que pour toi aujourd'hui c'est facile, ça a été facile, les CD sont en ligne, on va en parler justement. De vendre aujourd'hui du CD comme ça sur les plateformes. Ça a été facile il y a un an quand il y a eu le premier confinement, puisque ça m'a permis de dégager du temps et de vraiment me consacrer à la musique. Puisque je l'avais dit la dernière fois, quand j'étais venu dans les studios, j'ai entamé ma reconversion professionnelle pour devenir intermittent, faire que ça à temps complet. Ouais. Donc ça a été une opportunité à l'époque, mais là ça fait un an, ça commence à faire beaucoup, et trouver des dates, etc., c'est compliqué. J'ai fait un communiqué de presse un petit peu à la Castex. Ouais, j'ai vu. De l'EP vendredi, et où j'expliquais que les chiffres étaient pas bons, puisque seulement 2 concerts en un an, et c'est vrai que du coup ça va commencer à être un frein. Même si j'ai un road trip qui débute le 13 et 14 mars. Ouais, parle-nous-en un petit peu justement. C'est quoi le but de ce road trip? Est-ce que c'est facile de faire un road trip avec le mode Covid justement? J'ai une trentaine de dates qui vont être prévues, qui vont être sur un an et demi, hein, essentiellement les week-ends, puisque la semaine, c'est plus difficile de trouver des gens dans la rue, puisque je vais jouer uniquement dans la rue. Et donc ça commence le 13 et 14 mars à Orléans, où je joue deux fois en fait, de 11h à midi et de 17h à 18h. J'ai la mairie d'Orléans qui m'a accepté, place de la République, la place Marthe-Roi, puis les quais de Loire à côté du cinéma Pathé à Orléans. Donc du coup, j'ai toutes les autorisations pour pouvoir jouer. Et donc je joue pendant une petite heure le matin et dans l'après-midi pour pouvoir vendre l'EP. Puis me faire connaître aussi, vu qu'on a moins de dates confinées en concert. C'est facile les concerts. Hein. Il faut essayer de se montrer. Et puis c'est comme tout, faut en vouloir. Et puis ça reste dans la tête la motivation là justement. Tu dis faut en vouloir. Est-ce que c'est facile d'en vouloir aujourd'hui quand on est dans l'événementiel, dans la chanson, au restaurant, les bars, les discothèques, tous ceux qui sont fermés. Est-ce que la motivation est là toujours et encore, Alex? Alors, elle n'est pas forcément toujours là. C'est sûr qu'on préférait avoir du monde sortir, faire des concerts, recevoir du monde dans les restaurants, ouvrir les discothèques, parce que etc. Là, toi, tu pourrais faire des concerts déjà. Tu pourrais aller dans les restos, les bars, les salles de spectacle. C'est pas facile. Donc oui, des petits coups de blues par rapport à ça, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de montrer que on est quand même toujours là et que on se bat et qu'on a envie d'y arriver. Et voilà, il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui soit solidaire et qui comprenne que la fermeture, etc., est pas facile, mais il faut qu'ils soient là pour soutenir aussi. C'est vrai que quand t'as des gens qui te soutiennent, ça fait du bien au moral aussi. Quand t'as des gens qui t'envoient des messages sympatoches, ça redonne un peu le coup de boost des fois. Je l'avoue. Moi, le premier, sur la ligne, je suis en guerre, moi, depuis un an là. La chanson pour toi, on va expliquer un peu aux auditeurs. Ça a démarré comment, Alex? L'idée de la chanson, comment est venue tu étais pas dedans au départ, pas du tout, et ça t'est venu comme ça? C'est comme tu te dis tiens, j'ai envie d'aller faire pipi. Alors moi, j'ai une soeur qui a 9 ans plus que moi. Ah ouais. J'ai fait plein de bisous, une grosse pensée. Elle est en Suède en ce moment. Elle travaille en Suède. Ça va, c'est bien le confinement là-haut, ils sont tranquilles apparemment, c'est mieux qu'en France. Ouais, ça va, c'est mieux qu'en France. Ouais, et des pays qui là. Et donc elle a fait du piano, elle a toujours fait du piano depuis toute petite. Elle a sorti un EP, il y avait 8 ou 9 titres à l'époque, mais qui était pas commercial, qui était vraiment pour elle, pour son groupe. Ils avaient un groupe où ils tournaient pas mal en région parisienne. Et puis, j'ai sûrement dû prendre aussi un peu exemple avec elle. Et puis moi, je me suis très vite mis à la guitare, ensuite à la batterie, un petit peu au piano. Et puis fin d'adolescence, pour m'accompagner à la guitare, j'ai commencé à chanter. Et puis de là, quelques concours de chant, le concours de chant d'Orléans où j'ai fini 3e, des concours de karaoké gagnés à droite à gauche, etc. Donc voilà. Après, j'ai toujours baigné quand même dans la musique et c'est mon échappatoire pour mes émotions. En tout cas, un bel échappatoire. Si tu veux, on va s'écouter un deuxième extrait, heure après heure. On va parler de ce titre juste derrière, si tu veux bien. Et qui va bien avec la situation actuelle. Justement, heure après heure, en direct à la radio, sur Radio Arc-en-Ciel. Thank you. Alex Roncel en direct aujourd'hui, 17h08, Alex dans le studio, le P est sorti le 29 janvier, heure après heure, c'est un nouvel extrait Alex, bah, heure après heure, on en parle juste après, j'ai une petite surprise pour toi, on est avec Benoît de la Jarry au téléphone normalement. Bonjour Benoît. Salut, comment ça va? Eh ben voilà, je voulais faire la surprise à Alex, hein. Je me dis tiens, je vais envoyer un texto à Benoît, il a répondu présent, bah, comme d'habitude, la Jarry, qui seront nos invités la semaine prochaine. Ça va Benoît? Bah écoute, très bien, et toi, et vous, et tous les auditeurs, j'espère que tout le monde a la forme en cette période un peu lunaire. Ouais, c'est planète Mars, hein. je t'ai appelé parce que je sais que tu coaches Alex qui est avec nous, Alex qui t'entend, hein. Et bah ça me fait plaisir que de vous recevoir tous les deux, hein, indirectement, hein, un dans les studios et l'autre au téléphone. Comment s'est fait la rencontre, la Jarry et Alex? Alex, comment s'est fait la rencontre avec Benoît? C'est un plaisir, en fait, parce que c'est vrai que quand Alex est... Il avait besoin d'un petit coup de main par rapport à son projet, par rapport à sa voix. Et puis quand bah, il voulait prendre quelques petits conseils pour sa voix. Et donc c'était un grand plaisir que j'ai essayé de le guider le mieux possible pour qu'il continue à chanter comme il fait. Il a une super voix, donc faut ouais. quand il y a des coups de cœur comme ça, bah, faut pas hésiter à essayer de filer un petit coup de main. Alex, la rencontre s'est faite comment? Ça a fité tout de suite entre la Jarry, Benoît et toute la bande? Le fruit du hasard, comme dit Benoît, j'avais besoin de quelques conseils et de voilà, de me lancer un peu plus professionnellement, on va dire, pour le projet. Et puis du coup, on a été en contact ensemble et puis on s'est rencontrés. C'est vrai qu'il a un super, il a un super. J'ai écouté son disque qui est sorti. C'est vrai que ça fait plaisir d'entendre la musique française. des productions comme ça, un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, parce qu'on est un petit peu noyé dans le commercial, dans la musique urbaine, le R&B et tout. Et dès que t'as un vrai chanteur avec des guitares et des vrais textes, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait rappeler les époques où il y avait Renaud, toute la clique à l'époque. Hein. Et c'est vrai que ça serait bien que ça revienne un peu sur le devant de la scène, Benoît. Tout ça, la pop, le rock. Bah, en fait, c'est bizarrement. Alors, tu sais, nous avec la Jarry, on est, comme tu le sais, on est un groupe. On fait beaucoup de concerts. Ouais. Et puis, bizarrement, c'est jamais vraiment parti dans le cœur des gens, puisque tu vois les salles de concert. Alors, je parle de la période normale, hein, pas en ce moment, évidemment, mais j'allais dire, les salles de concert restent pleines et les gens continuent à venir en festival et dans les salles. Mmh. Et tu vois, il y a toujours beaucoup de monde qui écoute de la musique, guitare, voix, texte. Chant, en français, enfin voilà. Quoi, y a pas, un texte, des vrais textes. On croit, on a l'impression que... Ah non, moi je dis pas que c'est parti, je dis qu'on en parle moins, je trouve, dans les médias, dans les radios. T'as pas tort, c'est vrai que si demain j'allume la radio, c'est... Ouais, c'est, voilà. C'est un peu plus compliqué pour écouter des vraies chansons comme ça, ouais. Ça va être compliqué, voilà. Bon, en tout cas, vous serez nos invités la semaine prochaine, Benoît, avec le groupe La Jarry. Écoute, avec plaisir, on sera très heureux de venir te voir. On est en répétition, tu vois, là, on prépare notre premier concert virtuel. Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça va être énorme. Cette période, donc voilà, on sera très heureux de venir t'en parler. Voilà. Et de vous en parler, à tous. Avec plaisir. Merci, Benoît. Voilà, merci, salut Alex, bon courage pour ton album en tout cas. Bonne répétition et à très bientôt. Ouais. Salut, ciao. Merci mon ami. Benoît de la Jarry, des amis alors maintenant alors. oui, bah vraiment par hasard on s'est rencontrés, voilà, le destin super a dû Benoît, faire ça. Ton et... groupe, hein, ouais. Ouais, ils assurent parce qu'ils sont toujours dispo, tu les appelles, ils peuvent ou ils peuvent pas, mais sinon en général la disponibilité est toujours là. Moi je les ai connus quand j'étais sur Vibra par exemple, quand Ingrid Betancourt avait été sortie là, ils avaient fait un titre pour elle, tu sais, à l'époque, et puis ils étaient toujours dispo pour les interviews. Moi ça me touche à chaque fois que je l'ai, Benoît, au téléphone, parce qu'il répond toujours présent. S'il peut pas, il me le dit, voilà, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Voilà. L'avenir, alors, comment il est, Alex, avec toi aujourd'hui? Du coup, je rebondis sur ce côté chance, rencontre, là, puisque je vais parler aussi un peu des autres personnes, puisque c'est vrai que je pense qu'on n'en fait pas assez, parce que c'est mon EP, mais c'est un vrai EP avec un vrai groupe derrière qui joue, des vrais musiciens, etc. Il y a des musicals derrière, comme on dit, à l'ancienne. Hein. Donc, pareil, un petit coup de chance, hein, le destin qui a fait que on retrouve à la batterie Pierre-Étienne Michelin. On doit lui faire, à mon avis, 300 fois par jour. C'est ça. Il est du côté de Valence, et le batteur depuis 2013 de Michael Jones. Il a joué à la Tour Eiffel avec Jennifer, il a fait Mel Bent, Chaim, il a écrit un titre pour Thierry Amiel. Il a un très très gros parcours et c'est quelqu'un en or parce qu'il était disponible pour faire l'EP. Il m'a envoyé des mails à 3h du matin. T'avais son numéro, comment ça s'est passé? C'est une relation? Ça s'est fait d'amis qui connaissaient et puis du coup on s'est mis en relation et puis voilà, il m'a fait participer, je pense que quelques secondes sur un clip participatif avec Natacha Saint-Pierre, ouais, pour une association qui s'appelle Les Petits Cœurs de Beurre, donc pour les enfants atteints de maladies cardiovasculaires, ouais, et tout ça. Et vraiment disponible, il était 3h du matin, il me dit j'ai une idée, il m'a envoyé des mails et c'est bien. Il était vraiment super. Donc à la batterie. Mm-hmm. Le deuxième de qui je pourrais parler, c'est David Azac, qui lui fait la basse. Donc, tu vas aller me dire David Hallyday, à un moment, je t'y attends. Je sais jamais. David Azac, lui, il est connu dans la région d'Orléans, puisque, il a pas mal tourné, il a fait pas mal de groupes, ouais, des festivals, etc. Il a fait les Francofolies, à l'époque, il a joué avec, Tonton David. Ah, Tonton David, c'est à l'ancienne, ça, c'était bon, ça. Donc voilà. Là, pour la partie basse. Tonton David, ouais, il était fort, lui, hein. J'adorais ce mec-là. Enfin, il est toujours vivant, d'ailleurs, je crois. J'espère pour lui. Hein. et la troisième personne, alors là, je parle musique-musique. Hein, troisième personne, c'est Julien Desjardins, qui est technicien son, arrangeur, mixeur, enfin voilà ce que vous voulez, qui, lui, a fait les enregistrements, le mix, mastering, etc. Ouais. Et qui a un studio qui s'appelle Marmelade Productions. Mm-hmm. Donc là, c'est pareil, Julien, il a été technicien son pour François Feldman. Il a fait sa tournée pendant un an. Toi, oui, il a fait du Star 80, touche la bille, quoi. Pas mal de choses, et puis il tourne pas mal aussi dans la région, donc. Bien. Donc, une belle aventure. Une belle aventure, et puis du coup, pour couronner le tout, je parlerai Allez, vas-y, la souris sur le gâteau. Non, je parlerai de Nawel Lefki, qui est la photographe du projet. Attends, belle photo, c'est elle l'affiche, là, qui est la belle affiche, hein. On l'a mis dans les studios de la radio, et Jean Bettino. Elle, c'est la photographe, entre autres, de Michel-Ange Leconte, etc. Et elle habite entre Orléans et Pithiviers, donc elle est pas très loin. Je vais passer la voir samedi, dis-lui, on lit un message. Donc vous pouvez y aller, pour la contacter pour faire des photos et tout. En tout cas, quand je vois l'affiche, elle est magnifique, l'affiche. Je l'ai mis sur mon Facebook, allez voir l'affiche, elle est magnifique. Elle fait un travail exceptionnel et aussi la graphiste, puisque l'identité tu vois, le logo avec les ailes, la lune, etc., c'est Elisa Torres, qui est une graphiste d'Orléans. T'as pris des gens en local. Bah, sauf Pierre-Étienne, qui est de Valence, lui, il est un peu plus loin. Oui, mais bon, quand même, une majorité, c'est du local. La Jarry, voilà, c'est du local, voilà. Pourquoi pas avoir fait un duo avec la Jarry, un exemple, je sais pas. Pourquoi, la suite, peut-être? Eh ben, pourquoi pas, on peut lancer l'idée. Je leur poserai la question lundi, ils sont là, lundi, en studio. Et si Benoît écoute encore, il répète, là, mais lundi, je leur poserai en direct. Mais pourquoi pas, hein. Oui. S'ils me disent oui, je t'appelle, direct, hein. Moi, je veux bien, d'ailleurs, faire les baracas, tu sais, s'il y a un petit puis coup de soleil. Si jamais ils ont besoin d'une première partie, quand ça rouvrira les concerts, pas de soucis. Bah voilà, faire la première partie de la Jarry, pourquoi pas, parce qu'ils ont fait quand même des groupes, ils parlent beaucoup au Canada, hein, tu sais, qui tournent beaucoup au Canada. Ils ont tourné à New York aussi, Canada. Ils ont enregistré dans les studios en Angleterre, les studios où les Beatles avaient enregistré leur album, là, c'est un groupe qui tourne bien, au Canada, ils cartonnent là-haut. Alors je sais pas pourquoi, il va m'expliquer ça à Benoît la semaine prochaine, pourquoi les groupes français, tu devrais essayer le Canada. Les groupes français, le rock français cartonne au Canada. Il y a quelque chose au Canada, il y a quelque chose qui se passe là-haut. Canada, dis donc, pourtant Rock Voisine, on le voit pas là au Canada. Donc l'album, l'EP est disponible sur les plateformes de téléchargement légales, oui, bien sûr. Sur toutes les plateformes. On peut les retrouver où tu peux donner des noms. Hein. Oui, on peut retrouver absolument toutes les plateformes. Il y a plus de 80 plateformes diffusent ça. Donc Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, iTunes, tout ce qui peut exister. Ouais, tout ce qui peut exister, on peut le retrouver. Moi, ce que je conseille aux gens pour le trouver facilement, c'est d'écrire Alex L-B. LB. Et ensuite d'écrire la vie, au moins ils sont sûrs de tomber sur moi. Toi. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement, ils trouveront facilement parce que je suis avec ma guitare violette devant moi. Belle donc, guitare. Donc la photo est facilement identifiable. Ouais. Alors télécharger légalement bien sûr, et ça fait aider, ça t'aide, puis ça c'est mieux. Hein. Pourquoi te retrouver, pourquoi pas dans les supermarchés, supermarchés entre guillemets, les Fnac, etc. Ça serait bien en gondole. Là, je te vois bien avec ta guitare. Est-ce que c'est jouable ça? Là, à l'heure actuelle, je fais vraiment du local. Ouais. Donc, je suis de Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Salut le maire de Saint-Hilaire. Voilà, c'est sympa, Toche. Il était venu à la radio ici, il y a longtemps. Hein, ouais. Et du coup, l'EP physique est disponible dans tous les commerces de Saint-Hilaire, les boulangeries. Demain, je vais chercher un pain au chocolat et je dis je veux l'album de Alex, etc. je vais essayer, attention. Et puis mais vraiment ils y sont. Et puis après oui, tout ce qui est Cultura, la Fnac, etc. Mais j'attends encore un peu avant de pouvoir les démarcher, puisque si on peut pas faire de showcase. Eh ouais, c'est dommage de prendre le CD, de le mettre sur un bout de rayon, mais que personne sache d'où il vient et d'où il est et qui c'est. Donc le but, c'est d'aller quand même à la rencontre du public, etc. Donc j'attends encore un petit peu avant de lancer. En tout cas, je suis content parce que tu m'as dit qu'on ferait un showcase chez moi. Enfin, dès qu'on ouvrira la club ou le resto, hein, je sais pas lequel qu'on ouvrira en premier, mais on sera un petit showcase avec toi, avec la radio Arc-en-Ciel, qui sera partenaire, je pense. Ça va être sympatoche, hein, quelques micros, quelques guitares. Aucun souci. J'inviterai la Jarry aussi. Je vais inviter plein de monde ce jour-là. En fait, il faudra grandir le parking. C'est ça. comment tu vois l'avenir aujourd'hui, Alex? Alors, des projets encore là, d'autres EP, tu as dit qui allaient arriver. Oui. Avec le Covid, malheureusement, aujourd'hui, qui nous envahit, et de plus en plus, c'est ce que disent les médias, toujours à fond, toujours envie de progresser. Ouais, tu vois l'avenir, tu vois le bout du tunnel, toi, concrètement, aujourd'hui, que ce soit pour toi, pour le reste. J'ai vu le bout d'un premier tunnel, puisque le projet est enfin sorti, donc ça a été des mois de préparation, de stress, de positif, de négatif, est-ce qu'on va y arriver, on va pas y arriver, etc. Et je pense qu'il y a un premier CD qui est vraiment super sympa. Justement, il est sympa parce que Cyril qui nous dit bonjour à Alexandre, belle carrière à venir et à pas en douter. Pardon, excuse-moi, j'ai du mal à lire avec mes nouvelles lunettes. C'est gentil. Voilà, sympa. Merci Cyril Guénaud, qui était chez nous d'ailleurs à la radio avant. Il m'a envoyé un petit messenger, ça fait plaisir. Puis attends, j'ai un autre message. Elodie, super, belle voix, j'adore. C'est vrai que ça ressemble à du Indochine. Voilà. Bon, bah voilà, toi. Et puis Florent Amigo qui nous fait coucou. Bon, lui, il a pas de message. Voilà. En tout cas, des petits messages sympas. J'ai envie que les auditeurs l'écoutent parce qu'il y en a beaucoup qui étaient pas là en temps et en heure. Ce titre, on se le réécoute. I'll find a song. Et puis c'est un petit au revoir derrière. À tout de suite. Hier je t'ai croisé dans la rue, ton bras m'a frôlé presque nu. J'ai senti comme une vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. On se prête au jeu là aux paroles, même ça vient tout seul, hein. C'est vrai, quand tu l'écoutes une fois ou deux, ça y est, hein. Moi ça commence à ça venir. Ça rentre dans la tête. Ouais, ça rentre dans la tête et ça fait plaisir un peu, comme le disait la Jarry, c'est vrai, de la musique, des paroles, de la guitare, du chant, ça change un petit peu de tout ce qu'on écoute en radio. Et c'est vrai que je dirais même que de plus en plus les radios devraient faire des efforts, que ce soit sur les grosses, les petites radios, de jouer des titres comme le tien là, qu'on a. Bon, ici on a kiffé, moi j'ai kiffé, là, je vais l'écouter chez moi, dans la bagnole partout. Hein. Non, ça me fait plaisir. Un dernier mot à rajouter, Alex, avant de se quitter, parce que largement, on est en mode Covid, on doit partir dans moins de 20 minutes. Bah voilà, c'est ça, oui. Et c'est ça le problème, hein, c'est que Castex, il est gentil, mais nous, on a des artistes à recevoir aussi. Hein. Le dernier mot que je vais rajouter, moi, je vais juste dire, Castex, faut qu'il change de costard. Non, sérieux, qui habille, là, ça va plus, là. Le costard. Excuse-moi, Alex, vas-y. Le dernier mot, je dirais, c'est par rapport à l'EP. Donc, du coup, l'EP est vendu 10 euros. Moi, c'est pas cher. Mais je dis ça surtout parce que je reverse 3 euros. Donc, en fait, ça fait 1 euro par chanson. Je reverse 3 euros par EP pour créer un gros projet qui sera étendu sur toute la région centre où, en fait, je vais accompagner pendant un an des élèves d'école primaire élémentaire. Donc, j'aurai une première école qui sera choisie pour 2022-23. Ah, bien. Parce que là, on commence pas cette année. Ouais, bah oui. Et l'idée, c'est qu'ils produisent leur comédie musicale de A à Z. Ah, sympa. Les paroles, les décors, etc. Ouais. Pour aller se représenter au théâtre d'Orléans. On est en train de voir pour avoir la salle et tout ça. Bah ça, tu m'appelles, moi j'ai des relations à la mairie, si tu veux. Et puis du coup l'année d'après, des fonds qu'on aura eu de ça, l'année d'après sera une autre école et une autre école, et puis pour faire durer le projet, que ça touche tous les enfants d'école primaire élémentaire de la région centre et d'Orléans. Surtout. Et bien ils ont un beau projet, on vous rappelle, donc le pays dispo sur les plateformes de téléchargement légal, bien sûr. Allez-y, n'hésitez pas, je vais mettre le lien. 10 euros, c'est pas cher, franchement, 3 euros sont reversés donc pour les enfants pour créer une comédie musicale pendant 2022-23 avec des écoles. Ça, 7 euros tu vas gagner là-dessus, encore gagner gagner entre guillemets après la répartition. Bon, je sais pas combien tu vas gagner, mais en tout cas c'est un bon geste et c'est bien. En tout cas, on a été heureux de te retrouver dans les studios de la radio Arc-en-Ciel, ça va pour la deuxième fois. C'est toujours un plaisir. La prochaine fois, j'espère que ça sera pour un petit concert, hein, avant que un petit live, je ramène la guitare. Ouais, tu ramènes la guitare, hein, c'est un bœuf là-dedans, hein. Moi je viens avec ma flûte traversière et puis je t'accompagnerai à la flûte. Il n'y a pas de souci. Merci Alex. Ben, merci pour toi en tout cas. Merci aux auditeurs. Merci pour les petits mots aussi qu'ils ont écrit tout à l'heure. Et puis force et courage à tout le monde en ces temps difficiles. Ouais. Et je vous invite donc à télécharger cette EP à 10 euros, pas cher franchement, allez-y, lâchez-vous, aidez les artistes, hein, ils en ont besoin, je vais remettre le lien sur mon Facebook, 10 balles, ça vaut rien, franchement sympa, tiens, vous allez arrêter de fumer pendant une semaine, là, et vous allez acheter un paquet de clubs, vous allez acheter un EP, et voilà. Et partagez au maximum tous les liens, voilà. Spotify, Deezer, etc., pour ceux qui ont les abonnements, ça leur coûte rien du tout, mais par contre, ça peut faire tellement de vues, et du coup, ça peut accrocher d'autres personnes, d'autres médias, la télé, etc., donc... On mettra ton lien en même temps, et puis comme ça, les gens, ils vont aller liker, ils vont aller voir, et puis écouter, puis acheter aussi, voilà, pourquoi pas. La Jarry seront nos invités lundi prochain, Benoît, puis toute l'équipe seront là, ça va me faire plaisir de les retrouver. Il y a un petit moment qu'ils sont pas venus à la radio ici, mais c'est bien de voir des gens qui habitent dans la région, qui viennent nous voir. Hein. Merci Alex. Ben merci pour tout. Puis tu viens quand tu veux, hein. T'es chez toi ici. Hein. En direct avec Greg. C'est quand tu viens, c'est quand tu passes. Quand tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau. C'est quand t'arrives, dans combien de temps. C'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant c'est le moment. Dis-moi c'est quand. Ça se regarde l'imbécile de mon cœur en vacances. C'est quand tu m'emmènes.